Première partie, chapitre 2, deuxième section, les anges. Quelles sont les créatures les plus nobles que Dieu ait créées? Les plus nobles créatures créées par Dieu sont les anges. Qu'est-ce que les anges? Les anges sont des créatures intelligentes et purement spirituelles. Dans quel but Dieu a-t-il créé les anges? Dieu a créé les anges pour être honorés et servis par eux et pour les rendre éternellement heureux. Quelle forme et quelle figure ont les anges? Les anges n'ont ni figure ni forme sensible parce qu'ils sont de purs esprits, créés par Dieu pour subsister sans devoir être unis à un corps. Pourquoi donc représente-t-on les anges sous des formes sensibles? On représente les anges sous des formes sensibles, premièrement, pour aider notre imagination à les concevoir. Deuxièmement, parce que c'est ainsi qu'ils ont apparu souvent aux hommes, comme nous le lisons dans la Sainte Écriture. Les anges furent-ils tous fidèles à Dieu? Non, les anges ne furent pas tous fidèles à Dieu. Mais beaucoup parmi eux prétendirent par orgueil lui être égaux et être indépendants de lui. Et à cause de ce péché, ils furent exclus pour toujours du paradis et condamnés à l'enfer. Comment s'appellent les anges exclus pour toujours du paradis et condamnés à l'enfer? Les anges exclus pour toujours du paradis et condamnés à l'enfer s'appellent démons et leur chef s'appelle Lucifer ou Satan. Les démons peuvent-ils nous faire quelque mal? Oui, les démons, si Dieu leur en donne la permission, peuvent faire beaucoup de mal et à notre âme et à notre corps, surtout en nous portant au péché par la tentation. Pourquoi nous tentent-ils? Les démons nous tentent à cause de l'envie qu'ils nous portent et qui leur fait désirer notre damnation éternelle, et à cause de leur haine contre Dieu dont l'image resplendit en nous. Et Dieu permet les tentations afin que nous en triomphions avec le secours de la grâce et qu'ainsi nous pratiquions les vertus et nous acquérions des mérites pour le paradis. Comment pouvons-nous triompher des tentations? On triomphe des tentations par la vigilance, par la prière et par la mortification chrétienne. Comment s'appellent les anges qui sont restés fidèles à Dieu? Les anges qui sont restés fidèles à Dieu s'appellent les bons anges, les esprits célestes ou simplement les anges. Que devinrent les anges restés fidèles à Dieu? Les anges restés fidèles à Dieu furent confirmés en grâce. Ils jouissent pour toujours de la vue de Dieu, ils l'aiment, le bénissent et le louent éternellement. Dieu se sert-il des anges comme de ses ministres? Oui, Dieu se sert des anges comme de ses ministres, et en particulier, il confie à beaucoup d'entre eux la charge d'être nos gardiens et nos protecteurs. Devons-nous avoir une dévotion particulière envers notre ange gardien? Oui, nous devons avoir une dévotion particulière envers notre ange gardien, l'honorer, invoquer son appui, suivre ses inspirations et lui être reconnaissant pour l'assistance continuelle qu'il nous prête.